je reprendrai ma route. Je reprendrai ma route sans aucun doute. J'irai où ça me mène, au plus profond de moi-même, pour soigner mes peines, détacher mes chaînes. Là où le vent m'emmène, j'irai où ça me mène. Je reprendrai ma Je reprendrai ma route sans aucun doute. J'irai où ça me mène, au plus profond de moi-même, pour soigner mes peines, détacher mes chaînes. Là où le vent m'emmène, j'irai où ça me mène, où le vent m'emmène. J'irai où ça me mène. J'irai où ça me mène, Monsieur Bernard Côté. Très intéressant comme pièce. J'adore cette chanson-là. Et si vous allez sur ma page Facebook de Canrock, C-A-N, Trédignon, R-O-C-K, vous avez de l'information sur ce Monsieur Côté, Bernard de son petit nom. Et c'est assez intéressant, cette chanson-là est en demande partout dans les radios au Canada, en Belgique aussi, en Europe, c'est demandé. Et j'irai où ça me mène. Vous avez tous les détails pour rejoindre M. Côté via son Facebook, sur ma page Facebook de Canrock. Ça nous amène à notre bloc instrumental et je fais un petit hommage, oui, un spécial, Christine Tassan et les imposteurs, quatre femmes remarquables, quatre virtuoses, deux guitares, un violon et une contrebasse. Et je les suis depuis le premier album, Un bon matin, je pense que c'est 1997-98 environ. Et c'est assez intéressant, j'adore ce qu'ils font, j'adore leur univers. Donc, je vais vous envoyer trois pièces. Juste vous dire qu'à peine arrivés de la France, ils sont déjà sur la route. Le temps de changer le linge dans les valises et on repart. Ils sont au mois d'avril et au mois de mai en spectacle un peu partout, dont entre autres le 26 mai au Café El Cosa à Macamic et aussi au Festival des guitares du monde Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda le 27 mai. Je vais vous envoyer trois chansons. Première chanson de « Un bon matin », c'est une pièce instrumentale « En tombant gentiment ». Aussi une instrumentale tirée de l'album « Pas manouche, c'est louche, bord de scène » et de leur dernier album qui va très bien, entre Félix et Django, « Ril des bottines à Martine, moi m'essuyer et les nuits de Saint-Germain-des-Prés ». Voici les Christine Tassan et les imposteurs. Thank you. Souliers ferrés,